Chapitre 7. Titré par Bossuet, la suite des changements de Rome est expliquée. Bossuet brosse alors un tableau rapide de l'histoire politique, sociale et militaire de Rome, de Romulus, le premier roi, jusqu'aux grandes invasions victorieuses qui ont eu raison de l'immense empire romain. Et dans sa conclusion, que j'ai enregistrée pour vous ci-après, Bossuet souligne, comme le fera Montesquieu au XVIIIe siècle, les causes de la grandeur et de la décadence de Rome.